Portrait d'assaut sur Fadjet. Apporter son aide psychologique et morale au peuple en détresse. Voilà l'objectif de l'association Petit Pigeon Voyageur, créée il y a tout juste un an. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Armand. Bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes président de l'association Petit Pigeon Voyageur qui va organiser tout prochainement, le 6 avril, un concert. Ce sera à la salle Rographe. Cet entretien est l'occasion de découvrir votre association créée il y a un an. Expliquez-nous un peu quel était le point de départ, comment ça s'est fait. Alors le point de départ, d'abord bonjour à tous les auditeurs de Radio Fadjet. Le point de départ, c'est le 28 février. Le 28 février 2022, un retraité bien amorti, je dirais, regarde depuis 4 jours les actualités à la télévision. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une catastrophe se dessiner, une tentative d'invasion de la Russie sur l'Ukraine. Il attend une opération de la hanche un mois plus tard, le 24 mars. Et il a très mal, il souffre et il se dit « Mais attends, là, qu'est-ce qui se passe là ? Tu vas un petit peu t'oublier et puis tu vas penser aux autres. Penser aux autres aujourd'hui, ben, c'est peut-être penser aux Ukrainiens. » Voilà comment ça a démarré. Un coup de téléphone à l'ancien vice-président de l'association Orgeco 54 que j'avais présidé pendant 12 ans. Et je lui dis, voilà, je voudrais faire quelque chose pour l'Ukraine. Il me dit, bah, écoutez, pas de problème, je vous suis. Et comme je suis un petit peu dictateur sur les bords, je lui dis, bah, écoutez, vous êtes vice-président et je suis président. Et c'est parti de là. Et alors, le 11 mars, nous avons fait l'Assemblée constituante dans les locaux de la communauté de communes du Saint-Ois, à Tantonville. Tantonville, qui est la ville de mon arrière-grand-père, qui en a été le maire. Et j'ai pris comme pseudo son prénom, Hubert. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas trop quels étaient les risques de faire une association qui travaille en faveur du peuple d'Ukraine. Il y avait une certaine prudence. Donc pendant plus de 8 mois, je suis resté Hubert. Je me suis fait flouter dans l'Est républicain quand on a fait notre assemblée constituante. Mais un an plus tard, là, c'est fini, quoi. Il faut arrêter de se cacher, quoi. On s'engage ou on ne s'engage pas. Donc maintenant, mon nom circule sur les ondes, il circule dans les journaux. Le Petit Pigeon Voyageur, aujourd'hui, c'est 200 adhérents, une adhésion symbolique à 1 euro. Ce sont des manifestations qui ont eu lieu le 23 novembre en faveur de l'Ukraine, grâce à la présidente du conseil départemental, Chérès Kirouni, qui nous a, dès le mois de mai, alloué la salle des délibérations. Et puis ce sera, comme vous l'avez dit, et on en parlera, l'événement du 6 avril, qui n'est pas dédié au peuple ukrainien, mais qui est dédié aux femmes d'Iran, suite à ce qui s'est passé au mois de septembre et depuis, malheureusement, en Iran, avec cette jeune femme qui est morte dans des conditions plus que troubles. L'Ukraine a été le point de déclenchement de votre engagement. D'autres peuples en détresse existent, même si la situation en Ukraine est loin d'être terminée. Mais vous avez vraiment ce souhait d'apporter cette aide. De quelle manière vous l'apportez ? Alors, et puis aussi peut-être un mot sur le nom de l'association Petit Pigeon Voyageur. C'est très important. Le nom n'est pas un hasard. Le nom, c'est grâce à notre trésorière qui a eu cette idée de ce nom. Pourquoi ? Parce qu'en période de guerre, quand toutes les communications sont coupées, quand les troupes sont séparées peut-être de leur commandement et autres, le seul moyen, et ce n'est pas d'aujourd'hui, ce sont les fameux pigeons voyageurs de l'armée qui transportent le petit message, comme l'a fait Cher Ami, c'est le nom du pigeon anglais qui a sauvé 594 soldats américains le 18 octobre 1918. Les Américains, qui étaient bien sûr venus nous aider les Français, percent une poche allemande et malheureusement, cette poche se referme derrière elle. Ils étaient 900, ils avaient des provisions et des armes et des munitions pour 24 heures, 48 heures maximum. Et les Français, qui ne savaient pas qu'ils avaient percé, continuent à bombarder la partie. Donc les Allemands théoriquement, mais malheureusement, ce régiment américain. Et c'est un troisième pigeon, les deux premiers ayant été envoyés, ayant été tués par des tireurs d'élite. C'est le troisième qui s'appelait Cher Ami, qui a réussi à envoyer dans sa bague de la patte qui ne tenait plus que par un tendon, le message « Ne arrêtez de tirer sur nous, nous sommes à telle, telle position ». Et 194 Américains ont été sauvés par Cher Ami, qui a été décoré, qui a eu la plus haute décoration du régiment, qui a été soigné par les vétérinaires, qui lui ont fait une prothèse en bois, et il est empaillé dans un musée de Chicago. Voilà un fait d'histoire réel, les situations de guerre qui se renouvellent en 2022-2023, et ce symbole du pigeon voyageur, et tous les messages que vous pouvez envoyer, des messages de soutien que vous pouvez envoyer à ces populations, à ces peuples en détresse. De quelle manière maintenant ? Comment fonctionnez-vous Alors, aujourd'hui ? On utilise l'outil actuel du 21e siècle, à savoir l'informatique, le web. On envoyait très massivement dans les 8 premiers mois, quasiment journellement, un message positif. L'objectif, c'est d'envoyer un message positif. Alors nous avons plusieurs rédacteurs et rédactrices, et là je salue André, qui est la doyenne, la moins jeune, comme je dis toujours à André, la moins jeune de nos rédactrices, qui est dans une résidence senior à Amboise. Et je salue André, qui, malgré ses mots liés à son grand âge, est d'une vivacité d'esprit et nous a alimentés en messages poétiques de toute beauté. Donc bonjour André, si vous m'entendez. 200 adhérents aujourd'hui, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc oui. Des messages que vous envoyez par Internet et vous avez des retours ? Alors on a des retours, on n'a pas autant de retours qu'on pourrait le souhaiter, mais il faut savoir qu'il y a une question de discrétion et de prudence dans la démarche, autant dans la démarche du petit pigeon voyageur que dans celle de ceux qui en ont un écho, qui disent « Tiens, c'est vrai, c'est qui ? Qu'est-ce qu'ils font ?» Mais quand vous vous réveillez et que vous avez passé une nuit dans les caves avec des sirènes d'alarme, etc., l'objectif du petit pigeon, c'est que le matin, quand vous vous levez, vous pouvez sur votre smartphone entendre un message, voir une belle image, avoir un message personnel vers les mères, vers les enfants, vers les combattants qui sont aussi, ils arrivent quand même à capter de temps en temps, ceux qui sont sur les routes de l'exil, ceux qui sont en France. Et on a un très très beau réseau que nous avons construit qui dépasse les 2000 adresses aujourd'hui. Ce qui n'est pas possible pour l'Iran. Pour l'Iran, on ne peut pas envoyer de message. L'Internet est coupé, la censure fonctionne à 100%, que ce soit les courriers, les téléphones, etc. Et donc on a pensé pour l'Iran à travailler sur le côté culturel, sachant que la déontologie du petit pigeon voyageur est surtout de ne pas s'engager sur un terrain qui n'est pas le sien, qui est le terrain politique. Et vous avez évoqué aussi tout à l'heure que vous aviez déjà fait une soirée, c'était le 23 novembre au conseil départemental. Oui, alors c'est une soirée donc, grâce à la présidente du conseil départemental. Nous avons eu une conférence passionnante du professeur Cyril Tarquinio, qui est un professeur en psychologie dans les universités de Nancy-Metz, sur le thème du stress post-traumatique. Et également l'intervention d'une musicienne saxophoniste qui a d'ailleurs enseigné tout près de chez moi à l'école de musique du Saint-Ouen d'Arroué, Olga Petukova, qui nous a fait un concert absolument magnifique, le tout accompagné par Irène Jeannin-Moine, poétesse, primé en 2021 par le président de la République, meilleur poète de l'année. Donc ça s'était bien passé, il y avait du monde ? Il y avait du monde, et franchement ça a été un succès reconnu, et ça nous a donné envie de continuer ce côté culturel que nous n'avions absolument pas jusque-là pratiqué. Des interventions aussi en école, ça fait partie des actions que vous menez, que vous développez ? Alors les écoles, c'est vraiment aussi notre pierre d'achoppement, je dirais. C'est quand même dans la jeunesse que réside l'avenir des paix dans le monde, les enfants, dans les cours d'école, même s'ils jouent à la guerre, en réalité, ce sont des pacifiques, les enfants, par naissance. Et donc, on a une école qui s'appelle l'école de Villers-Moivron, dont l'instituteur que je salue ici a instillé un travail, une adhésion à ses élèves de CM1, CM2, qui vont envoyer aux petits pigeons voyageurs, avant les vacances, les grandes vacances de 2022, 25 messages magnifiques, illustrés, avec des textes dédiés aux enfants d'Ukraine. « Si tu n'as plus de maison, je te relogerai. Si tu as faim, je te nourrirai », etc., etc. Et nous nous sommes déplacés avec le vice-président au mois de décembre à l'école de Villers-Moivron pour remercier les enfants. Nous avons passé une après-midi magnifique de questionnements qu'on n'imaginerait jamais d'enfants de 8 ans, 9 ans. Il y en a une que j'ai en tête, c'est « Ben monsieur, quand une guerre est finie, qui est-ce qui a gagné ?» Et là, j'ai fait comme Georges Marchais, j'ai dit « Ah, c'est une bonne question, ça !» Mais je ne savais pas trop quoi répondre. Et là, j'ai répondu « Mais écoutez, je crois que les deux côtés ont gagné parce que c'est la paix. » Et ça, ces paroles d'enfant, elles sont essentielles et je pense qu'elles sont un moteur aussi dans la démarche que vous avez entamée il y a un an. Tout à fait. Et d'ailleurs, on continue, nous avons des contacts avec d'autres écoles. On continuera à faire des présentations et de la sensibilisation à la solidarité internationale. Je crois que plus que jamais, on en a besoin. Le 6 avril, ce sera un concert, ce sera à la salle Rograff avec la pianiste Laila Ramzan et l'écrivaine Leili Anvar. On va en parler dans quelques instants, mais on va d'abord laisser la parole à une petite fille qui s'appelle Amélia, qui a 7 ans, peut-être 8 ans aujourd'hui. Et l'année dernière, elle avait touché beaucoup de monde en chantant l'hymne ukrainien lors d'un concert caritatif. On l'écoute tout de suite et on se retrouve tout de suite après. Chine, mela, Ukraine, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запанує, і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. C'était Amélia sur Fadjet qui reprenait l'hymne ukrainien. Vous êtes bien sûr Fadjet en compagnie de Monsieur Armand, qui est président de l'association Petit Pigeon Voyageur, qui nous présente cette association. Cette deuxième partie est consacrée à l'actualité de l'association Petit Pigeon Voyageur, qui va organiser le 6 avril un concert avec la pianiste Laila Ramzan et l'écrivaine Leili Anvar. Et ça se passera à Salle Rograff, un concert récital à 20h. Jean-Marc Armand, comment est née l'idée de venir mettre en avant les femmes iraniennes et le peuple iranien ? À l'origine, c'est un concert en l'église de Pont-Saint-Vincent au mois d'octobre 2022, où il y avait une cantatrice, Laurine, française, une pianiste franco-iranienne, Laila Ramzan, et un percussionniste franco-grec. L'église de Pont-Saint-Vincent, que je conseille de visiter pour chaque auditeur de Radio Fagette, est une merveille. Il faut savoir que c'est la seule église qui, photographiée d'avion ou depuis un drone, dessine la Croix de Lorraine. Et alors, j'ai été absolument emballé par ce concert organisé par une association qui s'appelle l'association Renaissance, qui travaille pour la rénovation de cette église. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Laila Ramzan, que j'ai contactée par la suite au fait qu'à l'issue de ce concert, elle a pris le micro et elle a dit « Je dédie ce concert aux femmes d'Iran », elle-même étant une franco-iranienne. Et c'était exactement un mois et trois jours après le décès de cette malheureuse jeune femme iranienne qui avait été arrêtée et qui est morte dans des circonstances plus que troubles et qui est à l'origine, ce décès, d'une espèce de révolution du peuple iranien. Et donc c'est là où l'idée m'est venue, je me suis dit tiens, l'Iran, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et puis il s'avère que c'est extrêmement difficile, on ne peut absolument pas décliner ce que nous faisons pour l'Ukraine, à savoir en particulier l'envoi de messages, parce que l'internet est coupé, parce que la censure fonctionne à 100%, que ce soit les téléphones, les courriers, tout ce que vous voulez. Donc on a pensé à aborder notre soutien moral et psychologique au peuple iranien en sensibilisant d'abord les Français de la Lorraine, de Saint-Ouen, et au-delà, au travers d'un concert donc, qui va se dérouler le 6 avril, comme vous l'avez dit Yves, à Salle Rograff, qui est 13 rue des Ponts et non pas rue Rograff, à 20h avec accueil du public à partir de 19h, 19h30. Il n'y a pas de tarif d'entrée, c'est une entrée participative, c'est-à-dire que chacun pourra verser ce qu'il peut verser dans la situation que nous connaissons. Et par rapport à la qualité de ce spectacle que je recommande, ce spectacle c'est quoi ? C'est Leili Anvar, une normalienne, école normale supérieure, une chercheuse, une maîtresse de conférences spécialisée dans la culture persane, accompagnée donc de cette pièce. C'est une franco-iranienne également, Leili Anvar, et à l'issue de chacun des poèmes récités par Leili Anvar, Laila Ramzan fait une improvisation au piano. Et là, je vous assure que ça, vous pouvez même l'écouter sur Internet, et elle a beaucoup d'enregistrements. C'est un concert qui dure à peu près une heure et demie et qui est donné sur le plan international. C'est la première fois que ça va se dérouler à Nancy. Je crois que le petit pigeon voyageur, il est vraiment content à l'avance déjà d'avoir pu ramener ces deux dames à la Salle Rograff. Et c'est peut-être une première étape pour organiser d'autres concerts aussi, pour aider d'autres peuples. Vous avez déjà des idées ? Alors nous n'avons pas d'exclusives. Oui. Nous n'avons pas d'exclusives. Il faut savoir quand même que le bureau, c'est 4 personnes, que ça demande un travail, un engagement de chacun qui est très important, et à ce titre-là, moi je remercie tous les membres du bureau et également un certain nombre de bénévoles actifs de l'association parmi les 200 adhérents actuels. Et vous avez, je crois, même un service civique maintenant au sein de l'association pour vous accompagner et vous aider, bien sûr. Alors, tout à fait. Donc, on a une jeune femme qui s'appelle Elena, qui habite dans le Saint-Ouen comme moi, et qui a commencé donc le 6 mars une mission de service civique volontaire auprès de l'association Petit Pigeon Voyageur, grâce à l'association La Ligue de l'Enseignement, qui gère l'interface entre l'État et l'association. Je lui dis bonjour, d'ailleurs, à Elena, c'est le menton. Et puis, elle a donc une mission de service civique. Je pense que vous savez en quoi ça consiste. Ça consiste à intégrer une association privée ou publique. C'est souvent un marchepied à un premier travail, par exemple. Mais ça n'est pas un travail, c'est une mission. Il n'y a pas de supériorité hiérarchique. Il y a un tuteur, par exemple. Oui, moi, je suis le tuteur d'Elena et je m'en satisfais. Ça va faire un mois que nous travaillons ensemble. On ne travaille pas, qu'on conduit. qu'on continue la mission du service civique et de Petit Pigeon Voyageur. Et c'est vraiment un grand plaisir que d'avoir ce contact intergénérationnel entre une jeune femme de 20 ans et puis un senior bien amorti qui a fêté ses trois quarts de siècle. et sa mission alors consiste en quoi? La mission, c'est de s'imprégner de la culture de l'association, de participer à des tâches, de participer à la communication, d'intervenir au niveau des écoles aussi, parce que finalement, Elena a 20 ans, il y a 10 ans, c'était l'élève. Hein. Alors que moi, ça fait quand même quelques décennies. C'était avant-hier. Voilà, exactement. Et pour aider l'association aujourd'hui, alors on peut bien sûr se rendre à ce rendez-vous du 6 avril hein, pour découvrir, vous rencontrer également, échanger. Mais comment on peut aussi vous aider et se renseigner aussi sur l'association? Alors, vous avez un site internet, hein, vous tapez Petit Pigeon Voyageur. Le site est un petit peu long, mais vous le trouvez en tapant sur internet et Petit Pigeon Voyageur. On mettra le lien sur le site. Voilà, de la radio. Vous avez également un crowdfunding, un financement participatif qui nous permettra de pallier une partie des charges assez lourdes quand même pour un spectacle. Oui. Et c'est sur Hello Asso. Hello Asso, vous tapez Petit Pigeon Voyageur. Vous trouvez aussi Petit Pigeon Voyageur sur Facebook et dans son site. Et puis alors, il y a une originalité également, une nouvelle, c'est que nous arrivons au printemps. Il faut savoir qu'une fleur symbole de l'Ukraine, le tournesol, nous a inspiré. Nous avons fait fabriquer par une petite entreprise de Nantes des sachets qui contiennent chacun 7 graines de tournesol et on les met en vente moyennant 2 euros le sachet, 5 euros les 3, 10 euros les 7 sachets. Et on organise un concours, donc c'est le moment de les acheter pour les planter sur votre balcon, même dans une balconnière hein, ou dans un jardin. Et on organise un concours de la plus belle photo de fleurs de tournesol qui sera récompensée par une sculpture à l'automne. Et ben voilà, ça conclura notre entretien pour aujourd'hui. Donc ce petit concours est pour acheter des graines, les photos et vous nous envoyez tout ça à Petit Pigeon Voyageur. Merci beaucoup Jean-Marc Armand. C'est moi qui remercie Radio Fagette. Et on suit votre actualité bien entendu et rendez-vous le 6 avril. Merci. Merci. Au revoir. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.